Alors, on en était aux marionnettes, aux manipulations. Et à quel niveau on se fait ramasser pour changer de marionnette, pour manipuler, guider, radioguider, téléguider? OK. Je pense qu'on va parler, j'avais donné un exemple, Daniel, de quelqu'un qui vivait une expérience qui amenait la souffrance. L'idée, moi, c'est ça. Bon, ce qu'on pourrait faire, c'est revenir un peu sur ton chien. Le chien que tu as si bien arnaqué pour aller le tuer. Oui. Les dieux agissent exactement comme toi. D'ailleurs, tu as agi en Dieu. C'est divin ta Oui. façon d'amener ton chien à l'abattoir. Alors, tant que tu ne manques pas ton coup. Oui, mais ça arrive aussi, les dieux manquent leur coup. C'est-à-dire que le vétérinaire ne manque pas son coup. C'est ça, les exécutants des dieux. Toute la vie de l'homme, de la femme et de l'enfant est réglée sur cette mécanique-là. Je vais en parler plus. Je vais élaborer là-dessus beaucoup plus tard, mais qu'on comprenne. Pourquoi je ne vais pas en parler immédiatement d'un coup? C'est parce que si j'amène toute l'information d'un coup, ça ne va absolument rien donner. C'est préférable d'en amener un peu, puis là, ça va laisser faire sa place. Okay. Quand on va en ramener, les gens vont dire, ah, il me semble, j'ai parlé de ça. Oui, mais il y a la longue, tout le monde va pouvoir appliquer beaucoup plus Bon. profondément. D'abord, venons à notre petite fille d'abord. Ouais, OK, ben juste parler de ce qu'il faut absolument faire, c'est qu'il faut absolument que l'humain prenne immédiatement comme principe de base de ne plus. On dit souvent, quand on fait une réunion avec les chefs, souvent ça arrive qu'on va dire à quelqu'un qui amène quelque chose, là, OK, rationalise pas ton intuition. La personne va dire, moi j'ai l'intuition qu'il ne faut pas qu'on fasse telle chose. Alors, pourquoi il ne faut pas qu'on le fasse? Je ne sais pas. Ben, donne-moi une raison. Il ne faut jamais embarquer là-dedans. L'être nouveau qui commence à rationaliser son intuition, il va nécessairement tout déformer au complet. C'est-à-dire qu'il va ajuster tout ce qu'il est lui, puis son intuition par rapport à ce que la personne peut entendre. Puis la personne, elle, elle va être désajustée dans son écoute par un paquet de mécaniques astrales, y compris par des hiérarchies, de façon à forcer l'autre à expliquer par sa parole de plus en plus bas. Puis comme la parole vient faire vibrer ton ego en montant ou en descendant, à un moment donné, après 15 minutes d'explication, tu ne sais plus tellement toi non plus pourquoi, puis n'importe qui peut te faire changer d'idée, puis ton intuition est sur le camp, mais tu avais raison finalement. Au départ, on ne doit pas rationaliser son intuition. On se trompe autant qu'on rationalise ou qu'on ne rationalise pas. Mais ce qui est extraordinairement important, c'est qu'on ne doit plus maintenant expliquer ce qui s'est passé. On ne doit plus jamais expliquer ce qui s'est passé. Maintenant, c'est évident qu'il y a la seule nuance qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a certains orateurs, dont moi, qu'il y a certaines personnes dans certaines situations, on pourrait élaborer ça une autre fois, qui pourront t'expliquer à toi bon, des mécaniques de certitude au niveau de manipulation. Autrement dit, tu as mangé un coup sur le pied parce que tu as laissé tomber une brique, on peut t'expliquer la cause à effet. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'illusion, mais ça fait partie d'une illusion traditionnellement tellement acquise et ancrée dans le contexte humain que là, ça équivaut à ce que tu as tout à l'heure voulais faire quand on remonte le canal fusionnel. Ça te permet de savoir pourquoi c'est arrivé, parce que tu as de l'intelligence au niveau de ce savoir-là, c'est-à-dire que le savoir est tellement pas grave qu'on ne viendra pas te pirater ta conscience. Donc, tu es capable de t'en servir pour éviter de te taper les pieds. Sauf que le moindrement où l'explication qu'on va te donner, ou l'événement qui t'a amené à dans telle ou telle situation, est un événement d'une importance telle qu'elle est régie par une hiérarchie astrale ou cosmique un peu plus haute, ces hiérarchies-là vont tout faire pour que tu ne puisses jamais, par ton explication post-événementielle, parvenir à remonter la filière pour les connaître et les comprendre eux autres. Donc, on va te donner tout ce qu'il faut en termes de fausse vision mémorielle de l'événement. Tu vas te rappeler des choses qui ne sont pas importantes, mais qui vont être importantes parce que tu t'en rappelles puissamment. C'est des choses que tu ne te rappelleras pas de l'événement. Il y a d'autres choses que tu vas te rappeler, que tu n'as pas vues sur le coup, et que là, maintenant, tu te rappelles bien. Donc, qui ne sont pas arrivées du tout, puis qu'on va venir ajouter à ce que tu te rappelles. Et là, tu vas expliquer ce qui t'est arrivé, et ça va toujours faire du sens. Et ça va toujours te faire avoir à l'os. Donc, c'est extrêmement important pour arriver à transcender toutes ces mécaniques-là. Ça fait partie des nouvelles choses qui n'ont jamais été dites clairement, mais on doit cesser d'expliquer ce qui est arrivé. Ça ne sert absolument à rien. C'est exactement comme quelqu'un qui travaille à la bourse, là. puis qu'il ramasse les dernières statistiques de la bourse, il les analyse, puis là, il vérifie voir si son système fonctionne. Bien, il va fonctionner, Thorieux, il vient d'analyser ce qu'il veut vérifier si ça fonctionne. Là, il dit si ça marche, là, il s'essaye dans l'avenue, puis il se casse la gueule comme toujours. C'est la même chose au niveau de la spiritualité, on doit cesser d'expliquer ce qui est arrivé. Alors, on peut en parler, comme on fait tous les deux, en sachant toujours qu'on parle, mais en parlant, tout ce que ça va donner, c'est que si tu me demandes, par exemple, pourquoi le Nazaréen n'a pas fait ceci, pas fait cela, ou pourquoi il est arrivé ceci ou cela, je vais donner une explication. Mais à travers l'explication, moi, je descends un canal pour expliquer, et progressivement, il faut que tout le monde finisse par acquérir la capacité de vibrer la saveur du canal et laisser tomber ce que je dis. Parce que ce que je dis, c'est pour descendre le canal. Par exemple, pourquoi il y a eu des guerres? On m'a donné des raisons extraordinairement intelligentes du pourquoi il y a eu des guerres. Ce qu'on doit comprendre, c'est l'arnaque à travers ça. Puis quand je vais expliquer moi, comme tout à l'heure, tu disais, c'est ça qu'ils veulent que tu dises. Bon, là, c'est la saveur du canal et non pas ce que je dis qui est important. Alors, il faut progressivement que les gens soient capables, dans leur langage, dans leur audition, de goûter à la saveur d'un canal et non pas à l'information qui transite par le canal quand on fait référence à des mémoires, donc à du passé. Je veux revenir, Daniel, au cas qu'on était rendu à parler. Oui, une petite fille de 17 ans là, qui a sa peine d'amour. Ou si tu n'aimes pas l'exemple, crée-en une qu'on pourra prendre pour y revenir. Puis la raison pour laquelle j'amène un exemple, c'est pour pas que tu partes et tu sois rendu au supramental tout de suite. Là, on est au niveau astral, non approvisionné par l'intelligence pour faire hausser le taux vibratoire de cet individu-là. Je parle d'une mécanique archangélique, une évolution grégaire de masse de troupeaux, sans contact direct, en tout cas avec l'intelligence. Dans tes termes, oui, j'aime pas le mot troupeau, là, mais en tout cas. OK. Brebis. Les brebis. C'est... En autant qu'on est d'accord que la brebis peut devenir... Nous, on est d'accord. Oui. Les autres ne sont pas. Oui. Là, tu m'as fait perdre. Mais je vais la retrouver. OK. On revient à ça. Alors, tu as expliqué le phénomène qui se produisait à l'intérieur, dans l'ego, qui amène le phénomène qui se produit à l'intérieur du père-esprit qui déclenche l'électromagnétisme. L'électromagnétisme, c'est quoi au juste? Comment est-ce que ça fonctionne? Bon. L'électromagnétisme, ça fait partie de la relation qui existe entre différentes dimensions. L'électromagnétisme, c'est une force plus ou moins constante qui est perçue de façon inconstante, de façon... avec des différences potentielles. L'électromagnétisme, c'est un champ énergétique qui envoie de l'information d'une source à un récepteur. L'électromagnétisme, c'est une forme de communication entre des structures atomiques, mais l'électromagnétisme, c'est finalement la parole, c'est la voix, c'est le verbe de l'atome. Il y a différents langages au niveau de l'atome, il y a d'autres forces qui sont beaucoup plus fortes que l'électromagnétisme, des forces nucléaires. Et l'électromagnétisme fait partie de l'une des forces qui maintient cohérente l'univers, donc la création. C'est-à-dire que dans l'univers, on a différentes forces, dont la force gravitationnelle. On a la force électromagnétique. On a une force nucléaire forte. On a une force nucléaire faible. Il y a d'autres forces. Mais ça, c'est les quatre forces fondamentales reconnues actuellement par l'astrophysique. À l'intérieur de la psychologie, on a des mécaniques qui sont similaires. Quand on parle d'électromagnétisme au niveau de l'astral, ce n'est pas de l'électromagnétisme. C'est une autre force. Une autre force qui n'est pas de la gravité, qui n'est pas d'une force nucléaire, ni forte, ni faible, mais qui aura une incidence dans la structure énergétique avec les constituants intratomiques, et nécessairement, ça va engendrer au niveau de ces constituants-là des réactions qui seront reconnaissables par l'astrophysique ou par la physique nucléaire, donc en l'occurrence l'électromagnétisme ou d'autres choses du genre. Le changement se situe au niveau du quartz, quark? Bon, je vais dessiner un peu où le changement se situe. Quand je parle de constituants intratomiques, je parle des quarks. Bon, Au niveau, si on prend, je vais dessiner ici un électron, c'est un peu plus grand que nature, et l'électron est constitué, on va simplifier, disons, de quarks, hein, d'éléments primaires. L'énergie à l'intérieur de l'âme de l'homme, lorsque on va encore faire référence à la crise, donc à l'orbitalisation rapide de l'ego, avec une projection centrifuge de l'excédent d'énergie au niveau de sa saturation. L'énergie, ce qu'elle fait, elle, c'est que dans l'enveloppe périspritique qui est constituée d'énergie, c'est l'enveloppe de l'âme, mais l'enveloppe périspritique est constituée d'énergie qui provient de toute la structure intra-atomique du corps physique au complet. Donc, l'enveloppe de l'âme, c'est ton corps physique. Et c'est pourquoi l'être humain qui a l'impression de faire un voyage astral ou qui voit une entité, ça va ressembler au corps physique de celui qui est décédé ou qui dort. Bon. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, donc, c'est que trop d'énergie là-dedans, vu que l'énergie périspritique, c'est l'énergie intra-atomique constituant l'énergie atomique, constituant l'énergie moléculaire, cellulaire du corps physique, plus on va mettre d'énergie au niveau de la structure intra-atomique, plus on va venir faire vibrer énergétiquement les constituants intra-atomiques, en l'occurrence les quarks. Il peut y arriver, mais on n'a pas encore assez d'énergie pour qu'il y ait des mutations là-dedans, c'est-à-dire qu'on fabrique des protons ou qu'on fabrique d'autres choses. Maintenant, au niveau atomique, ce qui va suivre là-dedans, c'est plus cela va être excité, plus les électrons qui constituent les atomes vont être accélérés. Donc, les électrons vont être excités. Plus les électrons sont excités énergétiquement, plus ils ont tendance à changer d'orbital, c'est-à-dire à aller vers l'entropie et se reposer. En changeant d'orbital, ils laissent un niveau énergétique sur lequel ils vont pouvoir se reposer pour vivre leur orbital. Donc, ils sont plus hauts énergétiquement. Mais maintenant, l'atome est devenu équilibré. Il y a moins d'énergie. Si à un moment donné, on retire de l'énergie de l'atome, l'électron redescend d'un orbital, on vient de reprendre de l'énergie. Et ça va créer certains problèmes au niveau des structures atomiques de l'homme, parce que plus les électrons vont être élevés, plus leur rapidité virtuelle, c'est-à-dire illusoire, autour du centre, ici, le noyau va être grand, et plus l'électron va amener le corps physique à une hypersensibilité. Donc, étant plus sensible, il aura accès à plus de subtilité au niveau des mécaniques, du décodage des mécaniques. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que pour cellulariser les mécaniques ascensionnelles de l'humain, l'humain aura besoin d'énergie. Donc, à un moment donné, l'humain va puiser l'énergie à travers les orbitales, donc ce qui maintient les électrons sur un autre niveau. Et en puisant ces énergies-là, l'humain va cellulariser des choses, mais les électrons redescendant à leur niveau premier, l'humain va perdre le contact avec ses sources, l'humain va être moins subtil à un moment donné. Donc l'humain, il va bien, il monte, à un moment donné, il se passe de quoi, puis l'humain, il redescend à ce qu'il était avant, il est changé. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que plus ça ici, c'est excité, plus les cellules vont, plus les atomes sont changeants. Excuse. Lorsque tu parles d'excitation, là, est-ce que c'est la souffrance qui fait la souffrance le degré de souffrance? La souffrance, c'est le refus de l'ego d'accepter ce qui se passe présentement. Ce qui va faire en sorte, donc, la souffrance va engendrer la saturation au niveau des parties de l'ego, de toutes ou de plusieurs parties. Quand on parle d'une grosse crise, d'une grosse souffrance, c'est la totalité des parties, puisque même le bonheur, c'est une autonomie qui te fait souffrir. Hein? Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que la souffrance va engendrer l'orbitalisation de l'ego, qui se va tourner très rapidement. Lui, en tournant rapidement, il va se débarrasser de toutes les énergies qui est trop. Ces énergies-là vont venir nourrir le périsprit, qui va venir exciter, donc ce sont ces énergies-là qui viennent exciter. Le vecteur de base, le moteur, c'est la souffrance. Ça vient exciter le système atomique au complet. Le système atomique étant excité, bien nécessairement, l'énergie vitale de la structure, c'est ton corps vital à toi, donc il peut être énergisé comme tu peux en perdre. En plus, en excitant ton corps physique, il va engendrer des obligations d'explication dans le corps physique, par le biais des glandes endocrines, entre autres. Puis là, on va engendrer soit la folie, des maladies, d'excitation. Enfin bref, c'est de cette façon-là que par la souffrance, on va engendrer une orbitale de l'ego. L'énergie qui monte au niveau du périsprit et qui n'est pas exprimée dans le corps physique, normalement, va être absorbée par l'enveloppe externe du périsprit, qui est le plan mental. Puis là, le plan mental, s'il ramasse cette énergie-là, bien là, nécessairement, tu vas avoir une sublimation du plan mental. Puis parce que le corps physique ou certaines parties du cerveau énergétiquement vivre une accélération énergétique, tu es plus subtil aussi, donc tu es tout à fait prêt à une prise de conscience. Mais la prise de conscience peut choquer ton ego carrément, elle peut t'amener d'autres choses, ça peut te faire ramasser aussi, mais voilà. OK. On revient à notre individu qui souffre, vient de voir son chum avec un autre. La souffrance pénètre par le chakra du cœur. Non. Travaille au chakra du cœur. Non, elle ne pénètre pas là. Par contre, ce qui va arriver, c'est qu'un voyant va voir qu'il y a un immense travail qui se fait au niveau du chakra du cœur parce que l'ego est présentement en rotation à l'intérieur de lui-même. Mais c'est par le chakra du cœur que l'ego va exprimer une partie de sa souffrance. Et c'est ça, et c'est par le chakra du cœur que ça va nourrir le monde astral. OK. Le monde astral qui suit l'événement qui se produit, là. Donc, les têtus observateurs. On les appelle des théos. Non, moi, je ne les appellerais pas comme ça parce que eux, ils suivent, puis ils ont un intérêt direct à se nourrir. Alors, ils suivent, puis ils anticipent ce qui va arriver. Là. Ils vont y avoir une nez sur l'autre coin de rue. Ils vont se voir. Alors, eux, ils déclenchent quelque chose dans les chakras. Ils vont déclencher quelque chose dans le chakra pour permettre une souffrance plus grande. Oui, eux vont s'arranger pour ouvrir au maximum le chakra. C'est ça. Plus tu vas perdre d'énergie, plus tu nourris le monde astral, plus tu crées une synergie, puis plus eux vont s'arranger pour s'incrustrer en réincarnation, parce que là, la seule façon au monde astral de descendre chez toi, c'est se réincarner. De toute façon, c'est rentrer à l'intérieur du corps. Plus ils vont s'incarner, plus tu possèdes. Plus ils vont s'arranger pour engendrer la crise, c'est-à-dire un peu comme la fille qui rentre chez elle après avoir vu son chum, là. Mais là, elle se met à pleurer, là, elle se met à trembler, puis à un moment donné, elle va revoir son chat qu'elle aimait qui est mort, elle va avoir un autre bebelle, elle va penser un film qu'elle a vu, elle va tout ramasser ce qui peut traîner pour l'enclencher encore plus puissamment là-dedans. Contrôler, ça devient salutaire, on en profite, mais dans la majorité des cas, c'est pas contrôlé, c'est bon parce qu'elle va finir par vivre une désillusion, puis elle va monter plus haut. OK. Il y a préparation de l'astral pour venir se nourrir avec l'événement qui est à venir. Là. Oui, il y a une amorce qui va se faire. Une amorce. Est-ce que, disons que le couple descend à rue Saint-Denis, puis elle s'en vient sur la rue Sainte-Catherine, puis l'astral le voit, là. Tu sais, des fois, ils ont des pressentiments ou un petit feeling qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, c'est un travail que l'astral fait au niveau des chakras. Oui. Personne dans l'astral ne vient dire à l'individu, écoute, tu vas avoir un problème sur le coin de la rue. En réalité, c'est que l'astral fait tout pour créer le problème, puis l'individu, par sa sensibilité, en est subitement au courant. Et j'explique depuis un certain temps que les personnes ont un contact avec leur intelligence, mais comme l'ego n'est pas habitué d'être en contact avec la réalité, il a toujours l'impression que c'est quelqu'un qui lui parle. Alors, encore une fois, l'individu aura l'impression qu'elle a été avertie ou etc. Bon, puis plus souvent qu'autrement, on n'écoute pas ça, évidemment. Pourquoi on ne l'écoute pas? Pourquoi ça ne le dit pas plus fort? Mais ça ne veut même pas te le dire. C'est parce que tu es en train d'entendre quelque chose qui ne te regarde pas du point de vue intentionnel. Ça va te regarder du point de vue événementiel. Alors, c'est sûr que ça s'en va. Il faut que lui-même contrôle les mécaniques. Est-ce qu'on peut dire, Daniel, que plus la préparation est adéquate, meilleur va être le repas? Ça, c'est bien évident. Plus on va stimuler l'individu à éclater rendu là, absolument. Et c'est ce qui va arriver aussi, ce qui va faire en sorte que certains individus vivent presque un drame, puis il n'y en a pas un. Presque un, puis il n'y en a pas un. Puis on les prépare, puis on les prépare, puis quand on va leur en donner un, ils vont en avoir tout un. Il y a tout un paquet de stratégies. Ça dépend des individus, de leur génétique, de la façon de nourrir. Je parle toujours là, du... Effectivement, plus l'astral va préparer la chose pour que ça éclate. Par exemple, le plus beau des mariages pour que ton chum ou ta blonde couche avec l'autre 2 jours après, c'est bien plus intéressant du point de vue astral. Parce que là, on va t'en avoir donné. J'ai connu une personne absolument géniale qui s'occupait des scouts. Et puis, ses deux fils étaient dans les scouts, mais ils étaient dans les louveteaux. Moi, je travaillais avec lui parce que les deux miens étaient dans les scouts, fait que moi, j'allais camper avec mes fils, puis lui, il avait hâte que ses fils viennent aller camper avec lui, mais ses fils étaient dans les louveteaux. Lui, il croyait uniquement en Jésus, et puis un peu en Robert Charlebois, et puis c'était uniquement ça, c'était un bon gars, etc. Alors, avec sa femme, il s'occupait de mariage encounter, aider du monde, des choses comme ça, puis on travaillait un peu avec des détenus. Puis Jésus, puis c'était parfait. Puis quand je l'ai revu quelques temps après, moi, j'avais l'essayé, on était parti. Bon, puis je l'ai revu un an après. Et là, il était avec des grosses chaînes, un gros manteau de cuir, en grosse moto. Il vendait de la drogue aux jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. C'est qu'il a tout fait pour aider, parler de Jésus, etc. Puis il allait voir le détenu et sa femme. Bon. Puis à un moment donné, bien, il y a un détenu qui est parti avec sa femme, ses enfants. Puis ils ont laissé le bonhomme là, puis ils sont partis. Fait que là, Jésus, puis tout ça, là. Là, totalement à l'inverse, les jeunes, ils tuaient, ils droguaient, ils maganaient, etc. Il en est probablement sorti un peu plus aujourd'hui. Mais effectivement, la préparation avait été extraordinairement adéquate. Hein? C'est de l'art. Dans notre exemple, je reviens toujours parce que je veux essayer de voir toutes les facettes. Je ne voudrais pas qu'on oublie des facettes. À ce niveau-là, est-ce que c'est un égrégore qui contrôle, qui prépare la personne? Au complet, mais en majorité, l'égrégore est dedans, parce que ce qu'il faut comprendre au niveau de l'astral, tu n'as pas une seule affaire qui va se nourrir. Ils vont s'associer ensemble, puis ils vont venir te traire. Est-ce que ça peut être une entité seule? C'est rare, ça peut. À ce niveau-là, là? À ce niveau-là, à peu près jamais. OK, c'est ça que je veux. C'est pas vraiment un individu, mais disons, grosso modo, à peu près jamais. Alors, on regarde une personne, un individu de 17 ans, là, peine d'amour, on regarderait surtout un égrégore préparé à une situation comme ça. Bon, je vais te donner un exemple. L'exemple, il est sexuellement un peu barbare. Disons qu'on a un bonhomme dans un champ qui a le goût de faire l'amour avec un veau. Il y a 40 veaux dans le champ. Mais le premier qui passe par là, il va l'accrocher. Ce serait bien étonnant qu'il commence à faire le trip, à fouiller tous les veaux, etc. L'astral va faire la même chose en ce qui concerne l'humain, c'est-à-dire que tant que l'humain fait partie de l'évolution grégaire, des troupeaux, bien, le petit jeune ou la petite jeune qui passe par là, il n'y a pas d'intentionnalité là, directe au niveau karmique à lui. C'est un karma collectif, puis ça va sauter à des places. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas de choix. Bon, alors, c'est pas eux, c'était pas décidé que c'était eux autres, mais c'est évident qu'il y a des humains qui vont vivre ça. Et qui, on le sait pas, puis l'astral ramasse ceux, les potentiels les plus accessibles à ça. C'est pourquoi je dis souvent, par exemple, de faire attention à ton nombre de formes. Parce que tu attires des mécaniques qui te rendent potentiellement accessible à vivre certaines formes de problématiques, etc., etc. Alors, c'est pas ciblé. Ça reste grégaire. Il y a un égrégore qui a besoin de se nourrir ou plusieurs, puis on ramasse n'importe qui vive une conjoncture planétaire les amenant à une situation qui pourrait nourrir des égrégores. L'événement est toujours parfait dans son arrivée. C'est de l'art. C'est ça. Maintenant, c'est arrivé à cette personne-là, au coin de la rue. Comme tu dis, l'égrégore était là. C'est arrivé par accident, oui et non, mais il y a quelque chose qui a créé l'accident, c'est le taux vibratoire. Oui. Comment est-ce que le taux vibratoire de cette petite fille-là, avec cet égrégore-là, se connecte? Quelle est la mécanique? Non. Quelle est la relation des deux? Comment ça se fait? Le gros problème au niveau de l'humain, c'est qu'il est comme une pile, une batterie. Pas tout à fait. On va dessiner ici un truc. Disons que l'humain ressemble à ça. Alors ici, il y a les corps inférieurs de l'homme. Et quand je parle inférieur, disons les corps les moins attachés à la conscience de l'ego et ou à la conscience tout court. Alors, on aura dans la mécanique en U ici le corps physique, le corps vital, le corps astral et même le corps mental. Et là, ce qui va arriver, c'est que toi, tu peux ramasser de l'énergie en masse au niveau de ces corps-là. Et là, ici, ce que tu m'amènes à dire, c'est extrêmement important, c'est que tu peux avoir, on va dire par exemple, que pour accéder à la libération, il faudrait un niveau vibratoire de type 25. L'humain, normalement, vibre, disons, à 12. Tu fais du yoga, tu manges convenablement ou tu vis différentes expériences et ça va faire monter le taux vibratoire de ton corps physique à 26. Le taux vibratoire de ton corps vital à 27. Le taux vibratoire de ton corps, disons, astral à 25. Et le taux vibratoire de ton corps mental à 28. Donc, tu as tout ce qu'il faut pour te séparer et être libre. Et ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que dans le creux de ce que je viens de dessiner ici, dans le U, dans le creux du U ici, il y a l'ego. Et le taux vibratoire de l'ego n'est pas similaire au taux vibratoire des corps qu'ils maintiennent. De ce fait, ces corps-là ici peuvent très bien être dans une capacité vibratoire leur permettant un contact avec l'intelligence supramentale. Donc, ils vont être informés. On développe le plan mental. C'est intéressant. Puis ton maudit ego est toujours dans tes jambes, malgré que tu es dans un taux vibratoire élevé, pour te faire vivre des expériences astrales, te niaiser puis pour te taper dedans. Le taux vibratoire, ici, tu parles de taux vibratoire. Bon, ben, prenons l'exemple encore de la jeune fille qui se promène. Même si elle aurait des taux vibratoires intéressants, Nécessairement, si son taux vibratoire égoïque n'est pas à la hauteur de la situation, elle va se faire avoir. Et la façon la plus intéressante de prendre des individus qui ont des taux vibratoires des corps inférieurs suffisamment élevés, et la façon la plus intéressante de prendre ces individus-là pour les empêcher d'être libres, c'est de jouer au niveau de leur ego avec, et il y a juste l'ego qui peut jouer avec ça, avec la théologie, donc les croyances, la foi et l'espoir, avec l'occultisme, l'ésotérisme qui procède aussi de la même mécanique ici. Du moment qu'on va jouer avec d'autres mécaniques qui sont encore plus performantes et qui font partie des phénomènes ésotérico-occulto-théologiques, ça va être l'orgueil, donc la certitude que tu es ton seul maître, c'est-à-dire que c'est toi qui diriges les choses. Du moment qu'on te fait croire que tu as un libre-arbitre, et du moment qu'on te fait croire que tu peux être sauvé, que tu es déchu, puis qu'on peut te faire sentir coupable, le taux vibratoire de l'ego est toujours dans une instance énergétique, dans une instance vibratoire qui l'empêche, qui nuit totalement au reste. Alors, autrement dit, tu as la meilleure automobile du monde avec le plus piètre des chauffeurs. Il y a des fortes chances que, même si tu peux rouler à 200 km à l'heure, si tu as peur de rouler en haut de 50, tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'arriveras jamais. Et dans mon exemple, la petite fille de 17 ans, là, elle n'a pas fait de théologie, elle n'a pas fait d'ésotérisme, elle n'a pas fait d'occultisme. Mais moi, je veux voir comment est-ce que l'astral, quelle est la mécanique utilisée, quelle est la mécanique qui est utilisée sur la planète Terre pour que l'astral connecte avec cet individu-là pour créer la souffrance, comme on a dit tantôt, qui fait hausser son taux vibratoire. Mais on a aussi dit qu'il y avait perfection dans l'événement. Oui. L'événement est arrivé au temps le plus opportun qu'il n'y avait pas, qu'il n'y aurait pas pu y arriver. Mais pourquoi ça? C'est parce que le taux vibratoire de l'égrégore astral puis le taux vibratoire de l'individu s'est connecté, puis c'est ça qui a fait la perfection dans l'événement. Mais qu'est-ce que c'est que la mécanique? Comment ça fonctionne? C'est la mécanique de départ s'appelle l'éducation. C'est grâce à l'éducation que l'astral peut contrôler l'humain. OK? On n'instruit pas les gens, on les éduque. Et on ne doit jamais éduquer quelqu'un, on doit l'instruire. Dans l'instruction, tu as l'amener énergétique du contact avec ta propre source. Dans l'éducation, tu as l'amener mémoriel énergétique du contact avec ce que tu devras savoir, de ce que tu devras faire. C'est l'éducation, parce que quand on parle de perfection au niveau de l'événement, il y a une perfection uniquement parce qu'on observe. Mais il y a un autre événement qui va être atrocement pire. On va dire c'est aussi parfait, mais c'est plus parfait finalement. Nous, on voit la perfection, mais c'est pas plus parfait que n'importe quoi d'autre. Par contre, où on parlera de perfection, pourquoi ça va fonctionner l'événement? C'est uniquement parce que la fille, le garçon, ont tous été éduqués par le biais de la réincarnation, par le biais de l'éducation externe, les écoles, entre autres, qui sont des grands mortificateurs de conscience, les structures religieuses occultes, etc., qui en sont autant, parce que les parents, ce n'est pas la faute de personne, du point de vue ciblé humain, là, mais c'est la mécanique, parce qu'on va éduquer l'individu à être frustré, à souffrir dans telle situation, on va éduquer l'individu à être normal, puis la normalité fait partie de la descente des lois des égrégores dans la conscience des troupeaux, pour que chacun puisse savoir quand ouvrir une porte puis nourrir, puis de quelle doit être la recette, quelle doit être la saveur de l'alimentation que tu lui envoies. Autrement dit, une personne pourrait, la fille pourrait se promener, puis éduquer différemment en voyant son chum avec une autre fille, pourrait être extraordinairement heureuse de voir que son chum est capable, que son chum est heureux, là. Mais l'éducation va faire en sorte qu'elle va devoir ne plus s'aimer, parce que si le gars l'aime pas, c'est qu'il n'est pas aimable, elle va devoir se mettre en colère, bon, dépendamment de son éducation, des structures réincarnationnelles et de toutes les structures du milieu, elle va être le jouet total des manipulations astrales. C'est l'éducation qui est le principe de base qui va permettre de former les individus sur la planète Terre pour qu'ils puissent être des alimenteurs. OK, ça va. Mais... Je ne sais pas pour rien que c'est toutes les religions qui ont au départ aidé et maintenu l'éducation. Oui. Hein? Ce que je viens de percevoir de ce que tu as décrit, c'est le terrain de jeu. À l'intérieur du terrain de jeu que tu viens de décrire, physiquement, parce que c'est physique, au niveau atomique, ou à quelque niveau que ce soit, quel est l'événement qui a fait, qu'est-ce que c'est qui est arrivé, le spark, la vibration qui s'est produite pour que ça se produise à l'intérieur du terrain que tu viens de décrire. Comment est-ce que physiquement ça s'est produit? Bon, le moment opportun où l'éducation, je fais juste une petite parenthèse, va prendre le dessus sur la conscience et la lucidité de la jeune fille pour pouvoir enclencher la mécanique de souffrance, parce que si tu restes dans un état particulier, tu vas voir ce qui se passe, puis ça ne souffrira pas autant. On dira le maudit cochon, ben moi je ne parle plus. Mais pour, alors ce qui va arriver à un moment donné, ça va être l'inconscient. Et parce que l'humain est inconscientisable, on peut le rendre inconscient, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, juste quand elle va approcher de l'événement, on va tout faire pour brouiller ses énergies, c'est-à-dire qu'on va décentrer ses canaux. Et c'est pourquoi je dis, moi, placer les énergies, placer les canaux. Juste sur le moment avant de voir le gars, on va tout décentrer au complet. Alors, elle n'a plus énergétiquement la possibilité d'être là pour diriger, pour gérer ses canaux. Et là, elle va voir l'événement. Puis là, c'est l'éducation. C'est-à-dire que vu qu'elle n'est pas là pour gérer, la mécanique, la mémoire d'intervention pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant, c'est l'éducation qui va venir prendre de dessus. Puis là, elle va se faire ramasser. Et là, elle va revenir dans le peu de conscience qu'elle a. Mais tout ce qui va être amené par, en termes d'information par l'événement va être coloré par son éducation, donc là, l'impartial. Alors, l'étincelle fondamentale du point de vue psychologique, c'était l'inconscient. Et on va s'arranger pour, quand on parle d'inconscient, ça veut dire qu'on va juste se brouiller. Juste suffisamment pour que pendant à peu près pas de temps, il n'y ait plus rien. Tu n'es pas vivant, tu n'es pas mort, il n'y a plus rien. Juste le temps de rentrer, de voir. Quand ça arrive, immédiatement, tu veux interagir avec ce qui arrive, c'est l'éducation qui vient te remplacer. Puis une fois que l'éducation est là, ben là, tu reviens, mais tout est coloré, tout est déformé, tu es devant en train de crier, puis là, tu souffres déjà, c'est nourri. Alors, du point de vue psychologique, c'est ça. Du point de vue physique, c'est uniquement les capteurs informatifs, normalement. Il y a les sens vitaux. Ça peut être les sens vitaliques, perception, intuition, comme Berlandis, etc. Mais normalement, ça va être l'olfaction, l'ouïe ou le visuel qui va amener le peu d'informations nécessaires. Mais comme tu es déjà brouillé du point de vue de l'astral, parce que si tu n'es pas brouillé, tu ne souffriras pas. Tu peux être choqué, là, mais on ne parlera pas de souffrance à ce niveau-là. Là. Souffrance, c'est plus bon. Tu ne souffriras pas. Alors, on va juste te brouiller juste ce qu'il faut. Ça peut être une niaiserie, n'importe quoi. On va s'arranger pour juste te brouiller. Il ne faut pas qu'on te brouille beaucoup. Et le moindrement que tu es conscient à travers ça, ça peut plus arriver, la souffrance. On parle toujours de l'être transitif ou de l'être... C'est marionnetté, là. Toujours. Une personne qui est marionnetté. On parle toujours de l'être qui est suffisamment beau, qui n'est pas rendu au niveau des radioguidages ou... OK. Non, on vient de voir ça. Maintenant, on se transporte sur un autre plan. Puis on s'en va au niveau mental de l'astral, dans notre point de carnet en haut. Le mental de l'astral, on a un niveau... C'est souvent l'intellect. Non, je sais au niveau du dessin. Mais c'est souvent l'intellect. Moi, je parle hiérarchiquement parlant... Au niveau... Bon, disons qu'il y a deux parties mentales, une partie reliée à l'ego et une partie reliée à l'intelligence. Tu parles de la partie reliée à l'ego. Ou si tu parles de l'ensemble. Non. Je vais revenir dans le passé, moi, te le montre. OK, montre-moi là. Mais je... Ça, c'est un quoi? Oui, mais cette partie-là, est-ce qu'elle est en contact avec l'intelligence ou non? Cette partie-là utilise la lumière ou l'intelligence comme essence qu'on a déterminée tantôt, si ma mémoire est bonne. Okay, puis elle utilise l'astral pour faire ça. Alors, c'est du mental à l'étape de la mentalisation. Tu ramasses l'intelligence pour te mortifier. Oui. Par contre, dans ce plan-là, il y a des avatars qu'on a déterminés à la conférence du mois passé. Tu mentionnais qu'il y avait 5. Moi, je t'ai dit qu'il y a 4 avatars qui... On a laissé sous-entendre qu'ils étaient des maîtres du monde. Alors, c'est des gens qui ont un taux vibratoire comparé à l'homme qu'on ne peut pas imaginer, de par rapport à leur connaissance, ainsi qu'on entrera là-dedans un autre temps. Tout. Mais on s'en va, là. Nous, on part ici, là, puis on s'en va, on embarque sur un vaisseau, là, puis qui nous permet de nous transmuter instantanément, là, en corps de lumière. On a tous des corps de lumière ici, là, puis on s'en vient à ce niveau-là, en haut, là, Puis on regarde l'événement qui arrive, là. On l'a vu là, une semaine d'avance, là, puis jusqu'au temps qu'on est au coin de Saint-Denis et Sainte-Catherine, puis on voit le couple qui s'en vient, puis l'autre s'en vient là. Au niveau couleur, qu'est-ce que c'est qu'on va détecter? Ça va dégager une couleur, ça, vu de ce point de vue-là? Oui. Qu'est-ce que c'est qu'on va voir comme couleur et de quelle proportion que ça va avoir? Bon, là, évidemment, c'est beaucoup plus complexe parce que ça, là, il faut comprendre ce qui va se passer dans l'humain, mais ce qui se passe dans l'astral qui a besoin de se nourrir de l'humain. Parce que là, c'est un peu comme si on n'étudie plus uniquement la souris, mais on étudie aussi le serpent qui va bouffer. On étudie aussi les réactions biologiques et psychologiques du gars qui a mis la souris dans l'aquarium avec le serpent. C'est là, ça que je prétends qu'il faut qu'on sache. C'est ça, mais là, est-ce qu'on parle de la souris, du serpent ou du gars? OK. On est en haut. C'est ça. En haut, c'est une façon de parler. Mais on est là et on observe. Tantôt, on a fait une colonne de couleurs. Alors, ma question, il va y en avoir d'autres tantôt, là. Mais premièrement... Tu me rassures. Il y a, si on veut regarder, je vais t'en poser un autre. Placer de ce point de vue-là, des événements du type dont on vient de décrire, s'accompagne, il y a probablement, pas probablement, il faut que la couleur qui est dégagée de l'égrégore soit la même que la couleur qui est l'égrégore qui est rattaché à la petite fille soit la même que... Oui. Avec un changement progressif. Bon. Alors, vu de là, là, qu'est-ce qu'on voit au niveau couleur, la progression, etc.? Bon, on peut le faire autant au niveau sonore qu'au niveau des couleurs. Je veux savoir la couleur, là. On est au son, notre tantôt. Parce que moi, je parlais pour les auditifs, puis tu parles pour les visuels. On peut le faire autant. Parce qu'on peut entendre une couleur, on peut voir un son. Alors, ce qui arrive simplement, c'est qu'effectivement, il faut que les individus, de par leur schéma d'éducation, de par leur schéma réincarnationnel, de par leur schéma réincarnationnel immédiat, quotidien ou hebdomadaire, c'est-à-dire de par leur onde de forme, de par différentes choses, de par leurs affinités de vivre dans une même ville, etc., faut que les individus, puis ça c'est quand on parle d'évolution collective, en partant c'est réglé, tous les individus ont à peu près tous des longueurs d'onde identiques, avec des petites nuances. Donc on pourra dire qu'on a une couleur, disons, verte, un vert barbare, qui est en train de chapeauter les individus. Puis le son qu'on entend a des notes tout à l'heure, disons, on va dire c'est un son comme Do, un Do bas. Là, progressivement, plus les événements vont se faire, on va essayer d'accélérer lentement la vibration de la couleur. Disons qu'on part du rouge. On va essayer lentement, on va accélérer la vibration de la couleur. On va passer lentement au orangé. Dans l'événement, mais dans les individus qui devront être manipulés par l'événement, eux aussi lentement vont passer par la couleur orangée. Ça veut dire que progressivement, inconsciemment, elle va subitement avoir le goût de sortir dehors, par exemple. Puis lui va, tu sais, on parle d'un événement de 5 coins de rue, là, lui va avoir subitement le goût. On commence lentement à les dynamiser. Et c'est extrêmement ténu parce que peut-être que le gars ferait jamais ça, puis la fille, elle ferait d'autres choses, etc. Bon. Là, le son passe à ré. Comment dire, la musique commence à être un peu plus haute. Ça commence à monter. Et là, le temps passant, les jours ou les semaines ou les mois, dépendamment de l'envergure de l'événement, on va lentement augmenter la vibration de la couleur, c'est-à-dire que lentement, on commence à les récupérer de plus en plus. Et c'est pourquoi l'être humain qui est le moindrement attentif, c'est sûr que la couleur rouge ou le dos, c'est le départ. C'est sûr qu'il faudrait qu'on décode au départ, mais il faut être extrêmement vivant et extrêmement subtil. Normalement, on décode, nous autres, rendus dans le bleu ou violet. Puis sinon, on pogne les bleus après. Pour quelqu'un qui est marionnetté, là, tu parles? Non, lui, il s'en rendra pas compte. Je parle toujours du marionnettage. OK, moi, je parle de tout le monde. Lui, il s'en rendra pas compte du tout. Après. OK. Bon. Alors, ce qui va arriver, donc, c'est que lentement, on passe du orangé, puis on va monter aux jambes, puis on va s'en aller. Et plus, au niveau sonore, ce sera la même chose. Lentement, ça grimpe. Et ça va ressembler à une excitation. Je parle sexuelle encore, pour qu'on comprenne, là, mais je ne suis pas... Alors, une excitation sexuelle, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, puis plus ça vient au niveau de énergétique, au niveau bioénergétique. Ça va ressembler à ça au niveau de l'astral, parce que c'est réellement identique. C'est une nourriture de la même chose que de l'ordre sexuel. Alors, plus l'événement va approcher, plus tu vas voir les couleurs commencer à s'en aller vers des couleurs de vibration haute. C'est ça. On donne un exemple de couleur, là. Et avec un son de plus en plus haut, de plus en plus aigu, donc avec une fréquence de plus en plus rapide. Et là, c'est là tu peux réellement, si tu es, mettons... un extra-lucide, de constater qu'il y a de l'espoir, même dans l'événement, même dans l'astral, que, comme tout à l'heure tu disais, ils vont même aller jusqu'à se nourrir, ils vont même devancer l'événement, C'est-à-dire que là, ils sont déjà en extase. Donc, ils sont déjà en volubilité. Et puis, il devrait y arriver l'événement. Si l'événement n'arrive pas, ça casse un peu partout, il se passe un paquet d'affaires, les couleurs revolent, il y a une personne là-bas qui va manger un coup, et il va se passer des choses. Mais normalement, c'est fait, c'est parfait, parfait, parfait. Ce qui fait que les individus vont être progressivement préparés, inconsciemment. C'est pas de t'en aller là, parce que l'événement, la démarche, c'est pas ça qui est important. C'est qu'on te prépare, à un moment donné, à être totalement réceptif ou réceptive à un événement en fonction d'une matrice éducationnelle pour éclater puis nourrir le monde astral. Autrement dit, elle aurait pu aussi bien éclater quand un écureuil aurait été écrasé par un char, autant que son chum du là. L'événement lui-même n'a pas été orchestré en termes de pion. On ne t'a pas obligé à faire une affaire, mais psychologiquement, on t'a organisé pour que tu pètes devant un moment donné, où ce sera prêt. Parce que les taux vibratoires se rencontraient. Parce que s'harmonisaient, se mariaient. Les taux vibratoires d'égaux. OK. Là, nous, on est là et on observe ça. Une couleur qui grandit en vibration, qui change de couleur, c'est-à-dire une lumière qui change de couleur. On observe un son qui aussi change de couleur. Le pic de l'excitation astrale. Nous, on est au-dessus de l'astral. On est dans le mental de l'astral. Mm-hmm. On est là et on observe. Notre taux vibratoire étant supérieur, on a accès à voir tout ça. Là, les gens qui sont dans l'astral, qui sont en dessous de nous, au niveau vibratoire, il doit avoir cette effervescence lumineuse et sonore qui se produit au coin de Sainte-Catherine et Saint-Denis. Là, ça s'en vient. Non. L'événement arrive. Là. Oui, mais pas au niveau du marionnettage. Non, mais au niveau de... Aussi, là, tu vas trop haut, là. Oui, mais moi, j'observe ce qui se produit, là. Nous, parce en observant, on le voit, mais les gens qui sont à terre à côté d'eux autres... Les gens qui sont à terre ne le voient pas. Mais dans l'astral, ce que je veux dire, c'est que l'égrégore qui change de couleur doit attirer des égrégores qui ont faim. Ah, c'est ce qui arrive. Je veux dire, des entités qui ont faim. Alors... C'est ce qui va donner très souvent... L'égrégore... Oui, les Théo. Théo. C'est eux-là. Ça va attirer des touristes. Okay. Touristes. Mais touristes, les voyageurs. C'est comme si tu as un bon restaurant qui vient d'ouvrir, puis tu sens que tu as bien faim, puis ils sont en train de faire du steak sur le charcoal, tu sens la saveur que ça pourrait avoir. J'imagine que ça fait ça. Exactement ça. OK. Alors, ça nous attire. Lorsque l'événement arrive, là, la souffrance est déclenchée. Petite fille, là, c'est la fin du monde. Là, entre ses deux oreilles, là, comment est-ce qu'on s'abreuve, comment est-ce qu'on se nourrit, comment prend-on cette énergie-là? Pas nous. Nous, on est seulement qu'observateurs. Je me plais. L'astral, comment l'égrégore qui nourrit les parties d'entité, les entités, comment absorbe-t-il cette nourriture? Mais l'astral, il l'absorbe par la vibration, par la souffrance, par l'émotion. Ce qu'on doit comprendre simplement, c'est que l'astral, on le dessine dans un monde particulier, mais je dis souvent que tous ces plans-là sont des atmosphères. Autrement dit, il y a présentement de l'oxygène autour de nous. Si l'oxygène ne descend pas, quand tu en as besoin, elle est là. Il y a de l'azote, il y a de l'hélium, il y a un paquet de gaz. Ce sont des atmosphères. L'astral, à l'instant où tu vibres quelque chose astralement, tu es déjà dans l'astral. L'astral, là, on ne gagne pas, on est dedans l'astral. Alors, tout ce qui se vit par l'intermédiaire de ton corps physique, parce que c'est vécu au niveau du plan physique, ça laisse une trace mémorielle dans le plan physique, puis c'est à partir de la trace mémorielle que l'astral peut en jouir. Donc, nécessairement, il faut taille excrétion d'hormones, il faut que ce soit vécu au niveau du corps physique, ta colère, ta souffrance, ton stress, ça va te rendre malade, c'est des effets résiduels. Mais ça, l'astral s'en fout, parce que si tu meurs, il y en a d'autres qui viennent au monde. C'est pas un problème. Alors, ça se nourrit uniquement par la présence du corps physique. Si l'être humain a la capacité, soit par un contrôle conscient de sa respiration, par une resconisation, si l'être humain a la capacité de bloquer l'expression endocrinienne, il ne pourra pas nourrir. Mais là, je sais qu'on est au niveau du marionnettage. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est observer, la voir broyer, puis la laisser chialer. Oui. Ils retiennent les énergies que ça dégage. Ils s'en nourrissent, ils s'en alimentent. Est-ce qu'ils l'assimilent? Il mémoriellement. Ils grossissent, ils grandissent. OK. Est-ce qu'il y a des excrétions? il n'y a pas d'expression. En réalité, il va y avoir des retours. C'est-à-dire que il y a des parties, évidemment, de l'expérience qui ne nourriront pas tout à fait l'égrégore qui est là. Ça peut évidemment nourrir d'autres choses. Peut-être beaucoup de charognards au niveau astral, donc des touristes qui viennent ramasser ce qui peut rester. Mais normalement, on va en redonner une partie à la personne pour engendrer la synergie. Et si possible, quand la personne, elle va en avoir, quand le corps physique ne peut plus en prendre au niveau de sa souffrance, etc., la personne va se déprimer, va s'en aller ailleurs. Maintenant, il y a, vu qu'il y avait une synergie créée entre l'astral, un contact amoureux entre l'astral et la personne qui souffrait, lorsque la personne met fin à ce contact-là, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, le corps physique ou le système nerveux ne peut plus en prendre, il va rester une partie de l'énergie de l'égrégore dans le corps physique. On peut parler d'excrément à ce niveau-là, mais en réalité, c'est de l'énergie qui n'a pas été récupérée. Et ça peut être canalisé par la suite, soit en maladie, soit en haine, soit en désillusion. Enfin bref, ça peut rester un bout de temps chez l'individu, style possessif, là. Puis progressivement, ça va s'estomper ou ça va se rempérer dépendamment de comment l'astral va recharger l'individu. OK. Là, on oublie l'événement, elle vient d'arriver, c'est-à-dire elle est arrivée, elle est causée, ça continue, mais nous, on retient ça, là. Si on revient au plan minéral, végétal, animal, comme on sait, l'animal se nourrit de végétal, qui absorbe le minéral, puis l'humain absorbe l'animal, si on prend du bœuf, ce qui est du végétal, du minéral. Et cette petite fille-là, là, justement, elle a mangé ses steaks, là, c'est pour ça qu'elle a pu se rendre dans cette âge-là. L'astral en prend une partie, se nourrit. Le plan mental dans l'astral, qui voit cet égrégore-là se densifier jusqu'à un certain point, comment est-ce qu'il s'en nourrit, lui? Non. Le mental se nourrit pas de l'astral comme l'astral se nourrit des autres plans. Le parallèle n'est pas parfait rendu à ce niveau-là. Le mental se nourrit uniquement de la déchirure entre les corps. Tu tournes mes pages, toi, là, mais... Le mental se nourrit uniquement de la déchirure qui va exister entre l'ego et les corps qui sont en train de vivre une ascension. Le mental se nourrit à peu près, on ne parle pas du mental naissant qui est l'intellect. Le mental, grosso modo, connecté, pas connecté, là, mais de plus en plus détaché de l'ego, il rationalise ou il mentalise, après ça, il pourra supramentaliser, donc intuitionné, intelligencé. Lorsque le mental se nourrit uniquement de la déchirure qui peut exister entre l'ego et les corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir une souffrance, il peut y avoir une souffrance qui peut être endurable, ça peut être de l'écœurement total, ça dépend toujours des corps physiques aussi pour endurer la souffrance. Alors, à un moment donné, s'il y a une déchirure complète, c'est-à-dire que les véhicules inférieurs ainsi que l'ego ne peut plus rester ce qu'il est lui, à travers les expériences auxquelles il est soumis par l'astral, bien, à un moment donné, il va y avoir une déchirure, c'est-à-dire qu'il va y avoir un hoquet complet au niveau du canal réincarnationnel. Puis là, l'ego va vivre la prise de conscience qu'on parlait tout à l'heure. Ça va augmenter la vibration du mental, mais il ne se nourrit pas encore. Augmenter la vibration du mental, ça permet au mental d'aller chercher de l'information. Cette information-là peut engendrer dans l'ego une perturbation majeure. Et là, s'il y a une déchirure qui se fait, l'ego, lui, se coupe, ainsi que les corps, du grand phénomène de manipulation qui dure depuis peut-être 5, 10, 15, 20, 30 ans. Et là, la personne fait une super prise de conscience, conscientise pas encore, là, mais elle fait un bond. Et là, ce qui va arriver, c'est que tous les résidus de l'écœurement, tout ce qui appartenait à l'égrégore et qui n'a pas été rapatrié par l'égrégore avant la déchirure, donc la coupure, va nourrir le plan mental. Je vais donner un exemple terre à terre. Tu es religieux, tu es dans une religion fréquemment, régulièrement, disons une secte ou une grosse secte organisée avec des millions de fidèles. Et puis, à un moment donné, tu te fais ramasser, on t'en promet, puis c'est politicien, c'est-à-dire que c'est toujours plus tard. Et puis, à un moment donné, bien, tu vis la désillusion, la déchirure, etc. Ton mental va pouvoir se nourrir pendant un bout de temps de toutes les traces laissées par ton égrégore religieux qui n'ont pas été rapatriées. Alors là, tu es capable de te nourrir que l'Église t'a charrié. Être capable de te nourrir, de rationaliser mentalement sur un paquet de principes au niveau de ta religion ou de ta secte. Alors, le mental va se nourrir de tous les résidus laissés par l'égrégore dans ton plan lors de ta déchirure. Le mental, au niveau du marionnettisme, des quelques autres plans en haut, ne se nourrit pas autrement que par les résidus laissés par un égrégore auquel tu viens de te déconnecter. On peut-tu faire, à la lumière de ce que tu viens de décrire, un parallèle entre le mental et l'événement astral, ainsi que l'animal qui consomme un très peu de minéral à l'état pur, mais qui en consomme à travers l'animal? Ben, on peut toujours. C'est plus nécessaire à ce niveau-là, je pense, mais on peut faire un parallèle, mais c'est pas... Parce que l'astral se nourrit des résultats, des résidus laissés par une déconnexion. C'est un peu comme quand tu manges des minéraux, il n'y a personne qui se nourrit. Quand tu fais en manger, les minéraux qui restent te servent en plus parce que tu changes de niveau, bien là, il y a quelque chose qui va venir les ramasser. Alors, ça solidifie le plan. Le plan mental. C'est-à-dire, ça solidifie le plan astral, ces événements-là qui viennent d'arriver. Oui, okay, d'accord. Et puis, ça étant solidifié, ça énergise, ça auto-énergise l'astral de la planète Terre. Oui. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'à un moment donné, au niveau du plan mental, quand le plan mental commence à être un peu plus énergisé, le plan mental va commencer à se dissocier de l'ego. Donc, le plan mental va commencer à installer des barrières entre l'ego et le plan mentalo-astralo-vitalo-physique. De cette façon, là, on ne parle plus de marionnettes ni de manipuler, mais on parle un peu en haut de guider pendant mon temps. Et là, ce qui va arriver, c'est que l'être humain, mentalement, peut commencer à être un peu plus son seul maître. C'est-à-dire que si on regarde au niveau PMC, l'être humain va commencer à travailler par différentes méthodes amenées par sa conscience ou par des techniques amenées par la conscience de d'autres. Elle va travailler des mécaniques pour permettre au corps inférieur, mental en descendant, de se déconnecter de l'assujettissement égoïque pour se connecter au plan mental. Et là, ce que ça va créer progressivement, c'est que c'est un peu comme si tu agis comme le corps physique. À un moment donné, il y a une écharde qui rentre dans ta peau, un intrus. Si le corps peut la rejeter, il va la rejeter. Si le corps ne peut pas la rejeter, il va créer une coque autour, puis il va l'oublier simplement. Alors, à un moment donné, dans le processus de mutation vers l'ère nouvelle, lorsque le mental commence à être suffisamment puissant, donc c'est en haut, évidemment, du marionnettissage, lorsque le mental est suffisamment puissant, il va finir par prendre contrôle des plans inférieurs pour déconnecter les chérubins de l'âme, pour déconnecter finalement l'ego au corps, pour que tu ne nourrisses plus le plan astral dans un événement comme ça. Même si l'ego vire fou à l'intérieur de toi, il n'y aura pas de sécrétion endocrinienne. Ne nourrissant pas le plan astral, ton ego n'est pas énergisé par le retour de l'astral parce qu'on tient à te survolter puis à te monter. L'ego, lentement, va donc commencer à disparaître, à s'anégoïser parce qu'il est de moins en moins stimulé par les mécaniques extérieures ou les mécaniques astrales. Puis l'ego perd progressivement son identité parce que ne s'exprimant pas, il ne peut pas expérimenter qu'il est là. Bon, un niveau un peu plus haut, c'est ce qui arrive. OK. À ce point-ci, j'aimerais oublier notre exemple de marionnettage, puis changer totalement de facette, aller dans un autre avenue qui est toujours à l'intérieur des différents plans. Si on remonte à 2000 ans, lorsque le Nazarien est venu sur la planète, et puis que l'énergie supramentale est descendue dans les termes que tu as déjà mentionnés, qui a touché le Nazaréen, le Baptiste, ainsi que Lazare. Est-ce qu'il y a d'autres individus qui ont été touchés pour la peine, au point de Lazare et du Baptiste, ou bien le Nazaréen? Oui. Qui ont pu absorber l'énergie comme le Baptiste et Lazare l'ont absorbée? Oui. Beaucoup? Ça dépend de ce que tu entends par beaucoup. Tel que je te connais, tu peux me dire quelques millions, mais est-ce que... Non, pas quelques, disons peu. Sont peu. Pardon? Disons peu. Peu, vu OK. Qu'il y a quelques millions, beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a des gens qu'on a eu connaissance de leur histoire, en dehors de ces deux-là, Baptiste et Lazare? De cette époque-là? Oui. Ou à travers le temps? J'en vois des noms. De cette époque-là? Oui. Bon, alors, il y a eu... Quand c'est arrivé? Marie-Madeleine, OK. Il y a eu Madeleine. OK. Parce que la religion pense sa même femme. Parce qu'une, okay, c'est assez. Il n'y en a plus qu'une. Ils n'ont fait une. Bon. OK. Et puis, il y en a eu d'autres, mais il y en a que tu ne veux pas savoir. Pourquoi je ne veux pas savoir? Parce que tu les connais trop bien. Oui, mais tantôt, ça va... Je peux les dire. ça va à l'encontre de ce que je disais tantôt, parce que tantôt, ce que j'ai mentionné, je ne l'ai pas tout dit, là, mais à l'intérieur d'un cadre où ce que je vais me sentir pas trop menacé, je veux faire éclater le plus de choses. Alors, je me sens pas menacé, dis-le. OK. Alors, il y a eu Nicodème. Maintenant, c'est pas au niveau du baptiste, mais reçu pour la peine, tu dis. Il y a eu... Bon, je trouve leurs noms, parce que leurs noms sont en grec, sont en latin, sont en araméen. Alors, c'est des noms différents. Mais ceux qu'on connaît pas... Ah, ben, c'est ceux que vous connaissez pas, ceux-là. Non, ben, oubliez-la, ceux-là. Ah, bon. Ben, ceux que vous connaissez... C'est-à-dire... À la suite, il y a eu Tibère. Okay. Le plus connu à l'époque sous le sobriquet de Tibère. Bon. Et il y a eu donc Tibère. Il y a eu Caius Cassius, que certains connaissent. Pour la peine, okay. Oui. Il y a eu Judas. Judas pour la peine. C'est dans tous les sens du terme, d'ailleurs, pour la peine. Il y a eu, dans ceux que vous connaissez de l'époque, Caius Gassius, c'est le centurion qui est piqué avec la... Bon, voilà. Dans les apôtres, il y en a eu d'autres. Luc, Jean. OK. Sinon, pour la peine, là, Marc un peu, ça a laissé une marque, mais pas... Sinon, pour la peine, là... Est-ce qu'ils ont tous joué un rôle important de cette période à venir à aujourd'hui sur la planète? Dans l'évolution, non, pas la Marc, conscience. Ça a laissé une marque. Luc, ça a été un Luc de sac. Puis, Jean a laissé pas mal de traces. Parce que Jean, avec le baptiste, réincarné, digéré, Jean de Patmos, Apocalypse, etc., ça a laissé des traces. Caius en a laissé tout le long en s'en allant, à travers l'Allemagne, à travers la place. OK. Mais pas... OK. Bon, alors, on va prendre Lazare. Lazare. Je me demandais si tu voulais qu'on parle de Lazare. Non, je voulais savoir s'il y en avait d'autres. Il y en a d'autres. Qui avait joué des rôles importants? Le plus puissant après le Nazaréen dans ceux qui ont reçu un contact énergétique, ça a été Lazare. Exactement. Qui a donné à Lazare son rôle pour les deux prochaines, les 2000 années à venir après qu'il ait été... Bon, il y a des choses que je ne te dirai pas présentement parce que non seulement ça va nuire à Lazare, puis en plus, ça va trop aider des individus que je suis très convaincu que tu ne voudras pas aider. Alors, donc je vais répondre, mais je t'avertis immédiatement là qu'il y a des questions que tu peux amener, que ce n'est pas passé pas le temps du point de vue de l'humain, là, mais ça ne vaut pas la peine d'aller vendre les stratégies à ceux qui veulent se lancer dedans. Qui a mandaté Lazare pour travailler à travers les 2000 ans qui ont suivi? Cela a été le Nazaréen. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Je suis certain. Que tu, ça s'est fait. Tu vas accéder, mais que tu ne seras pas pour. C'est le Nazaréen qui a mandaté Lazare, mais en réalité, ce n'est pas le Nazaréen qui a mandaté Lazare, c'est Gabriel. Oui, c'est évident. Après que j'ai dit, c'est évident. Exactement. Si tu me l'avais demandé avant, je n'aurais pas dit, parce que je n'aurais pas pensé. Okay. Mais Gabriel, c'est une réponse pourquoi, puissante. Là. Pourquoi? Oui. Okay. Mais énergétiquement parlant, oui, elle est réelle. Que pas vrai, énergétiquement parlant, elle est réelle. Oui, absolument. Totalement réelle. Bon, c'est ça qui est important. Parce que tout... Mais c'est une réponse d'arnaqueur. C'est une hiérarchie cosmique. Parce que Gabriel, là, il devient le bouc émissaire. Mais derrière Gabriel, il y a quelqu'un d'autre. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Oui. Si je le nomme, ça va être clair et net. Oui, parce que maintenant, il faut qu'on cache l'autre. À un moment donné, on n'ira pas pour eux. Est-ce qu'ils veulent que je te pose des questions pour s'en aller dans la direction qu'on s'en va? Présentement, là, si on ferait une vision de ce qui se passe partout en haut, là, tu verrais que s'ils ne savaient pas ce que c'était le mot panique, ils sont en train de l'apprendre. Il y a un brouhaha bureaucratique énorme. Ils savent que tu es un bon gars. Je ne suis pas surpris. Ils ne sont pas trop. Oui, mais là, ça brasse du camarade. Il y en a qui tirent au hasard, j'espère, tu sais. Je sais que j'ai des difficultés des fois à poser certaines questions ou à t'emmener sur certains terrains. Mais Daniel, il faut qu'il m'écoute, là, que le mensonge cosmique, l'homme le connaissent de A à Z. Oui? Ah oui! Dehors! Alors qu'ils fassent, qu'est-ce que c'est qu'ils ont à faire? Mais non! Qu'ils chialent, qu'ils crient, qu'ils fassent qu'est-ce que c'est qu'ils voudront. Il faut que ça soit su. Mais ça va être-tu le problème pour que l'hiérarchie comprenne? Un, c'est que l'homme ne travaille pas, l'homme, l'être nouveau ne travaille pas contre elle, mais il va te déformer en maudit si elle veut le résister. Deux, il faut que l'hiérarchie cosmique comprenne que de toute façon, l'homme va s'en sortir. Les hiérarchies cosmiques sont en train de se faire donner le pion au complet par les alliances que l'être humain est en train de d'établir avec des mécaniques d'intelligence extraterrestre. Les hiérarchies sont en train de se faire donner le pion. Mais les hiérarchies, ce qu'elle se dit, elle, c'est que si on peut préserver une partie de la planète pour l'envoyer en apocalypse, alimenter au maximum, c'est pas pire. Moi, j'ai déjà dit à un moment donné que si eux autres, ils veulent qu'on le laisse en paix, bien, qu'ils s'arrangent pour nous donner immédiatement tout ce qu'on a besoin. Quand on aura tout ce qu'on a besoin, là, on va s'arranger pour faire ce qu'on a à faire, puis ce qu'on n'a pas à faire, on ne touchera pas. Demain. Plus ils vont résister, plus nécessairement on va devenir des creuseurs. Demande-leur donc si ils avaient permis aux Nazaréens d'écrire ce livre dont je parlais. Si aujourd'hui, il ne serait pas plus calme en haut. C'est un pacte que eux ont caché le Nazaréen, la condition que le Nazaréen les cache à l'homme. Ah, mais les pactes, là, c'est, on est en 1992, on a mangé suffisamment pour être en mesure de dire c'est assez. Délicatement, parce que c'est enregistré. C'est effectivement assez. Mais le mois prochain, on revient, on va aller voir. On continue dans la même date. Ok. Merci.